Guten Abend. Bonsoir. Ah et oui, Charles, pour démarrer cette nouvelle session des canards, tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous, nous sommes ensemble jusque 22h et Highway Child du Jimi Hendrix pour son Jimi Hendrix Experience 1967. Ce titre est le terminus de l'album et voilà, juste au passage, Jimi Hendrix nous quittait le 18 septembre 1970. Ouais. Donc c'est déjà 46 ans quand même. Et il était né le 27 novembre 1946. D'accord. Voilà. Okay. J'ai un petit peu dans ce registre-là. Et le Highway Child, c'est le terminus du du Are You Experienced, premier album de Jimi Hendrix, qui sortait en 1967 et qui est une pure tuerie, beauté, album absolu. On parlera d'album absolu aujourd'hui, hein. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Et donc, au programme du jour. Album de la semaine. Qui pourrait être un album absolu? Tout à fait. Oula, bah, j'ai dit, c'est la thématique album absolu. Voilà. Bon. La review de Korenko. Le fil rouge. Ouais, une archive. Ah oui, quand même. Un petit peu solide. Album absolu, voilà. Album absolu, ouais. Books on the radio. C'est ça. Puis quelques nouveautés, voilà. Par-ci par-là, ouais. Par-ci par-là, ouais. Des choses qui craquent aussi. J'ai ramené des choses qui craquent. C'est vrai. Et ça va craquer. Album absolu. Je pense que ça va être émission absolue. Oula. Émission numéro combien? 288. Bon. Et émission absolue. L'émission absolue, l'émission 288, elle commence juste là, vraiment, maintenant. L'ironie du primate, humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine. Mmh. Alors on va partir avec un groupe absolu. Un groupe absolu. Nick Cave and the Bad Seeds. Mmh, mmh, bah oui, quand même. Un petit peu. Un petit peu au coup. Viennent de sortir leur 16e album. Voilà, par exemple, Skeleton Tree, il s'appelle, avec une pochette toute sobre. Allez. Je sais pas si tu as vu. Du tout. Elle est noire, toute noire. Elle est juste en dessous marquée en vert un peu pétant, mais en tout petit. Nick Cave and the Bad Seeds, The Skeleton Tree, c'est tout. Voilà, sobriété. Ouais, sobriété comme dans l'album d'ailleurs. Allez. Ouais. Je vais pas vous faire toute l'historique de Nick Cave and the Bad Seeds, sinon on est parti jusqu'à la fin de l'année. Avec. Pourrait être un jour être à fil rouge, Nick Cave. C'est clair. Rien que pour, c'est clair. Pour son œuvre. Sûrement, ben ça arrivera sûrement un jour. Il y a des chances. Juste à savoir que le groupe s'est formé en 1983. Et oui. Et ouais, ça fait oui. Déjà. Ça fait quand même 33 ans. Ou... Mm-hmm. Déjà. En août 1983 exactement, qui s'appelait à la base de Birthday Party. C'est ça. Voilà. Mais par contre, dès leur première session d'enregistrement, ils se sont un petit peu pris la tête. Légèrement. Il y avait un petit peu un problème d'ego entre lui et Harvey. Voilà. Mm-hmm. C'était son guitariste. Donc, ils ont décidé quand même de se séparer. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et ils vont se retrouver. Nicky va se retrouver à Londres. Et il va faire la rencontre notamment du guitariste Dein Sturzen de No Button. Pour toi, Monsieur Bargeld. Enfin, No Button, quoi. Ouais, c'est ça. Dis que ça. Le bassiste de Magazine, ouais. Barry Adamson, et Jim J. Treewell, qui feront finalement partie de ce fameux baptise. Donc déjà, pour commencer, on est dans le lourd, là. Fetus, No Button, c'est ça, voilà. Et Magazine, ça va? Bah ouais. C'est un super groupe à l'époque, ça s'appelle. Mais les gens ne savent pas encore. Oui, c'est ça, on ne savait pas. En fait, c'est Bad Seeds, après, ça donnait des super groupes sur le côté. Mais ils viennent de super groupes à la base. Voilà, c'est ça. Alors, ils feront une tournée, notamment avec les Immaculate Consumptive Voilà, avec notamment Lydia Lunch dans le groupe et Marc Almonde. Eh ouais. Faut imaginer le tableau. Hein. Ah, ça devait le faire. J'aurais quand même. Vraiment voulu être là. Une petite souris pour voir comment ça se passait. Peut-être un peu jeune, si un jour j'étais jeune, mais j'aurais vraiment voulu être là. C'était en 1983. Mais j'étais un peu jeune pour suivre ça. Pour choper Lydia Lunch, j'étais un peu jeune quand même. C'était un peu compliqué, ouais, en effet. Ils vont se retrouver en Allemagne. Pour aller enregistrer leur second album de Firstborn Is Dead. Voilà, avant de sortir un très bon album quand même, Your Funeral, My Trial. Ouais. J'ai des messages bizarres. Oui, c'est pas grave. Bon. Puis ils vont partir à New York, au Brésil. Enfin, ils font voyager un peu partout. Et avant que Bargeld parte du groupe. Ouais. Enfin, il est occupé à l'époque. Hein. Légèrement. Il y a quand même Heinz Rosen de Dannebaum dans lequel il doit travailler, n'est-ce pas? C'est vrai. Puisqu'il est chanteur et patron. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc si t'es patron d'un truc, t'es occupé dans ton truc. Quoi. Légèrement. C'est souvent ça. Alors ils vont en profiter pour sortir Original Seeds. Voilà. Qui est leur propre best-of, on va dire. Voilà. Plus ou moins. C'est ça, avec des reprises de groupes qui les ont influencés. Puis en 2003 sortiront Nocturana. Bon, après. Ouais. Ils vont surtout sortir un absolu Let Love In en 1994. Aussi. Qui était un album absolu. C'est vrai. Ensuite, il y a le fameux passage avec Rindorman. Qu'on a connu ici. Notamment. Ouais, si, fort bien. Bien, Dig Lazarus Dig par exemple. Et voilà le dernier album, donc Skeleton Tree. À savoir que cet album est accompagné du fameux film, vous en avez parlé la semaine dernière. Oui, oui. Voilà, qui s'appelle, je trouvais plus le titre, voilà, j'ai trouvé One More Time with Feeling. C'est ça. Voilà, qui, est, qui était sorti le 8 septembre. Et c'était le fameux film qui était présenté une seule soirée dans plusieurs cinémas différents. Et après, à mon avis, il faudra aller acheter le DVD. Ça va être ça. Je pense. Ils vont faire ça avec. Bon. Allez, premier extrait pour ce Skeleton Tree. Nick Cave and the Bad Seeds. On va écouter un morceau qui ouvre l'album Jesus Alone. Fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mast of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking covered in blood that is not yours. You're a woman in a yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict, lying on your back in a Tijuana hotel room. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Mm-hmm. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Jesus Alone, extrait de l'album de la semaine Skeleton Tree de Nick Cave and the Bad Seeds. Ouais. Alors, album très pesant, très noir. Pesant, là, c'était pas pesant, quoi. Non, mais il y a des morceaux très pesants, quand d'accord. Même. Alors, pourquoi, vous allez me demander. Tout simplement parce que son fils, Arthur, est décédé alors qu'il avait 15 ans. Pendant l'écriture de cet album. Voilà. Ah là, il est tombé d'une falaise. Donc, cet album est lui un peu dédié. Tout comme le film. Last Time, One More Time With Feeling. En fait, Nick Cave voulait éviter d'avoir à faire des interviews avec les médias. Donc, ils ont sorti un film qui retrace l'écriture de cet album. La session d'enregistrement de l'album et Nick Cave parle forcément de son fils dedans. Et je pense que voilà, c'est un moyen d'éviter de devoir parler devant d'autres caméras que celle du réalisateur qui est Andrew Dominik, qui est le réalisateur notamment de Chopper. Voilà. Bon, je comprends pourquoi tu dis pesant du coup. Forcément. Sinon, on retrouve. Enfin, quel univers quoi. C'est, ouais. Let Lovin n'est pas loin, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, c'est pas loin du tout. Deuxième extrait pour ce soir de cet album Skeleton Tree, on va écouter Girl in Amber. Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber trap forever spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothes across the floor. Girl in amber long to slumber shuts the bathroom door. Phone, it rings, no more. The song, it spins since 1984. The phone, the phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 1984. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now and turn, you turn, you kneel, lace up his shoes, you little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, cause I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it's been a spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word. And let the world turn. It spins no more. The phone, it rings, and you won't stay. Don't nouveau, j'ai envie de dire. Allez, un petit 45 tours qui se présente en tout cas sous la forme d'un petit 45 tours, mais il s'agit bien d'une. Ça se joue en version 33 tours, face A, face B. Split, un petit split, voilà, entre deux groupes, des groupes parisiens, enfin là basé à Paris, et plutôt du côté de Belleville, et l'autre du côté de Vesoul, voilà. Ouais. Face A. 100 Years, si ça vous disait quelque chose, bah oui, c'est évidemment, ça figure sur l'album Pornographie de Cure en 82, repris par Revoke. Uh-huh. Et face B, qu'on entendra tout à l'heure, puisque j'ai retourné le disque un peu plus tard, c'est un autre groupe et je vous le dirai à ce moment-là. D'accord, surprise. Voilà. 100 Years, reprise de Revoke qui arrive en 2016 après leur album 2014 qui s'appelait Boot of Grau. Uh-huh. Eh ben voilà, ils se sont fait plaisir et ça nous fait bien plaisir. Ils ont bien raison. Si. Allez, fil rouge. Le fil rouge. On continue avec David Bowie. David. Et on est parti dans sa période de la trilogie berlinoise. La plus intéressante. Voilà, je m'en doutais que tu allais me dire ça. C'est pas pourquoi. Donc en 1976, il va quitter Los Angeles pour se retrouver en Suisse. Mmh. Et pour échapper à son addiction à l'héroïne. C'est ça, se retrouver en cure. Je sais même pas s'ils avaient à l'époque qui étaient en Suisse. Quand même, si. Je ne sais pas. Si. Puisque d'ailleurs, il va visiter des galeries à Genève et un musée à Berlin. Mm-hmm. Puisqu'il va se. Plutôt arrêter un peu la musique et se concentrer sur sa passion pour la peinture. Mm-hmm. Figure-toi. Et à la fin de 1976, il va surtout s'intéresser à Berlin-Ouest. Mmh. Voilà. Et il va s'installer là-bas pour vraiment faire un sevrage, un beau sevrage. Voilà. Et revitaliser sa carrière, comme il dit. Oula. Alors, il va travailler avec Monsieur Brian Eno. Ah. Et il va surtout partager un appartement avec Iggy Pop. Et ça, je peux te dire que pour faire un sevrage, c'est peut-être pas la c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais, c'est peut-être faire un sevrage sur l'héroïne. On parle d'héroïne, c'est tout. Je ne sais pas. Non, je pense pas, ouais, Iggy Pop, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu peux faire comme sevrage avec Iggy Pop dans le départage? Je sais pas. Rien. il va être coproduit par Tony Visconti pour son premier album, et d'ailleurs pour ses trois albums. Premier album, Low, mm-hmm. sorti en 1977. Et au même moment, surtout, il va co-écrire Lust for Life. Mm-hmm. Voilà, pour Iggy Pop, et il fera partie également des musiciens sur l'album dit Idiot. Absolument. Alors, Low, voilà. On en revient, 1977, influencé par les travaux de Kraftwerk et de Neu. Par exemple. Il va plutôt s'intéresser au côté krautrock, mm-hmm. qui avait déjà un petit peu commencé sur Station to Station juste avant. Mais il va aller beaucoup plus loin sur cet album Low. On va écouter un premier extrait ce soir. Allons-y. Le morceau s'appelle Always Crashing Into the Same Car. Plaisir. David Bowie. Plaisir. Attention, c'est la messe. Every chance that I take. Thank you. Jasmine, I saw you peeping. Une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Tous les canards vont à la mare, et c'est bien fait pour vous, RQC. Ouais, c'est toujours l'ami qui nous accompagne. Par contre, la tranche est de merde. Il me semble. Ouais, ça arrive. La review de Korenko, la revue des musiques brillantes et agitées, l'actualité de la semaine passée, évidemment, avec les sorties. Et des petites choses à savoir quand même dans les sorties, parce que, enfin, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Ah. On parle de choses intéressantes. Ou de choses qui provoquent un certain doute. Allez savoir. Trent Reznor et Atticus Ross qui vont bosser ensemble pour un film, même un film documentaire, Before the Flood. Il y aura une BO derrière ça. Et Before the Flood, c'est quoi ? C'est un message, un documentaire écologique de Leonardo DiCaprio. Ah oui, exact. Et voilà. C'est vrai. Et donc, c'est eux qui vont faire un petit peu la zik là derrière. Allez savoir. D'accord. Ouais, il faudra voir. Ils sont un petit plutôt doués là-dedans. Ils avaient notamment fait déjà de Social Network, si je ne m'abuse, de David Fincher. Et Millennium. Et Millennium aussi, c'est vrai. Allez, nouvelle EP du groupe suédois Ghost qui est en approche. Popstar, ça va s'appeler Pop comme un pop. Jeu de mots. Ça sortira le 16. C'est donc sorti, bah oui, c'est sorti vendredi. Voilà, ça vous fait bien de lire les infos à rebours. Popstar de Ghost, donc. Je croyais que tu parlais d'infos intéressantes. Nouveau clip pour I Am Fire. Ça s'appelle The Black Plot. Et le clip façon dessin animé, comme ça, vraiment très très bien fait, très joli esthétiquement. Et puis, bah voilà, I Am Fire, c'est du solide, donc allez-y. Faites-vous plaisir. Orso qui fait son apparition, c'est un nouveau groupe. On retrouve des membres des Suisses de Kruger, de No Sun in San Francisco. Et ben voilà, deux groupes suisses qui se sont décidés à faire du rock plutôt instrumental, plutôt post-machin, mais... Enfin voilà, ça demande un peu plus d'écoute, quoi. Première écoute un peu plat. D'accord. Pour moi, mais... pour bon à voir. Prometteur parce qu'évidemment bah c'est du solide qu'il y a derrière, donc voilà. Le 30 septembre sortira le 5e album pour le groupe Alceste, déjà 5e album. Ça s'appelle Codarna et Je suis d'ailleurs est le premier extrait, donc c'est en français que j'ai pas écouté, donc je peux pas vous dire plus. On parle aussi beaucoup cette semaine de Dilliger Escape Plan. Ils arrêtent mais ils sortent des nouveaux morceaux. Et ils sont filmés un peu partout, ils font des concerts partout, ils disent que c'est leur dernier concert. Bon, ça tourne un petit peu en rond là, je sais pas ouais, du tout. Voilà, bon. Nouveau clip et nouvel album qui s'appelle... qui ne s'appelle pas encore. Mais nouveau clip en tout cas pour Et, pour le titre Nihil Sine Causa. Et le groupe commence une tournée le 21 septembre, dans deux jours à Nantes ou Ferrailleurs. Ils vont partir un petit peu partout sur les routes, en France principalement, jusqu'au 19 novembre. Et je vous regarde s'ils ne sont pas dans le coin. Apparemment, ils ne sont pas trop dans le coin. Donc, il faudra descendre jusque Strasbourg, peut-être pour les voir plus près. Ça fait un peu loin quand même. Ça fait un peu loin aussi, mais Ed, ben, ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Donc voilà. Norma Jane qui revient, Everyone Talking Over Everyone Else, nouveau clip, bah c'est de Norma Jane, donc c'est toujours très très solide, et bien sûr, nouvel album pour Demon Hunter, ça va s'appeler Out Live, et ça sortira probablement en février prochain, mais il y a déjà un petit peu de teaser là autour, donc pour dire Enter, pendant qu'il parle, pendant que je cause... Enregistré en août 2015, une des dernières interviews de Lemmy Kilmister, qui revient un petit peu sur son parcours. Moi, je vous conseille vraiment d'aller chercher ça sur Arte, parce que ça a été passé plusieurs fois pendant les vacances. Pardon. Ouais. Il y a une équipe qui a suivi Lemmy dans son quotidien, et ce reportage est fabuleux. La chance de le voir deux fois est fantastique, quoi. Voilà. La petite vidéo comique de la semaine passée, en tout cas celle qui donne la banane, c'est des gamins, des mômes 12, 13, 14 ans qui reprennent Metallica. Et franchement, ça le fait. Allez voir cette vidéo-là aussi. On poursuit avec un nouveau titre pour Meshuga. Meshuga qui revient. L'album s'appelle The Violent Chip of Reason. Ça sortira le 7 octobre prochain chez Nuclear Blast. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Body Count, c'est ça qui invite Max Cavalera sur son prochain album. Ouais. Bon. Et Megadeth qui invite Body Count sur son prochain album. Voilà. D'accord. Alors, le petit disque qu'on va écouter cette semaine, sont français. C'est un album d'autoproduction. L'album s'appelle Résilient. Le groupe s'appelle Remote. On est dans du noise hardcore mais à l'ancienne, hein, quelque part entre Unseen et on va dire Converge. Voilà. D'accord. C'est très solide. Évidemment, vous en doutez, il y a vraiment quelque chose derrière. La basse tabasse bien, elle ramène bien tout le truc. C'est ça qui fait un peu penser à Unseen d'ailleurs. Remote, Resilient, autoproduction pour les Français. Et on va écouter un titre de cet album qui s'appelle Land Scrap Remote. C'est parti. what they did. Le petit morceau groovy du soir. Mm-hmm. Le groupe s'appelle People's Choice. Mm-hmm. Et on écoutait un extrait de l'album Boogie Down USA. Nursery Rhymes. C'était sorti en 1975. Bien. Bien, petit bien. Petit peu de funk. Allez, vieillerie. Allons-y. Vieillerie qui craque, hein, souvent. Alors, le Books on the Radio qu'on retrouve sur le coup de 21h. On est parti sur une BO d'un film culte pour mon toute Dieu. Une génération, qui n'est pas la mienne. Ouais, enfin... Mais le film est culte. Hein. Ouais, ouais, clairement. Up there with the best of the best. C'est sous-titré comme ça. Le film, c'est Top Gun. Et particularité, parce que ça n'apparaît pas comme ça, ça saute pas aux yeux tout de suite. Certes, il y a un gentilhomme qui s'appelle Harold Faltermeyer qui a fait quelques scores là-dessus, mais... et il y a évidemment le Take My Breath Away Berlin. De Berlin. Oui. Mais sinon, l'entièreté de ce disque, c'est Giorgio Moroder qui est derrière. Voilà. Et quand Giorgio Moroder rencontre un chantre de la country au milieu des années 80, Kenny Loggins, oui, ça donne Danger Zone en 1986. Oh, yeah, yeah. Kenny Loggins avec Giorgio Moroder. Si, c'est parti. Les Books on the Radio. Mmh. Et on va rester en Europe, on va partir en Italie cette fois. Ah. Puisque l'auteur c'est italien, il s'appelle Donato Carisi. Mmh. Pour son premier bouquin qui s'appelle Le Chuchoteur. Mmh. C'était sorti en 2009. Alors Donato Carisi est juriste de formation, criminologue et spécialiste des sciences du comportement. C'est un beau bagage. pas mal. Et il fera une thèse sur un tueur en série italien. Tant durant ses études. Donc, tant qu'à faire. Voilà. Alors, juste pour tout ça pour vous dire qu'on est parti dans un univers noir. Mm-hmm. C'est un bouquin très noir. D'accord. Voilà. L'histoire, on va retrouver. Enfin, 5 petites filles ont disparu sur le temps d'une semaine. Et donc, on va appeler le FBI, puisque ça se passe aux États-Unis. On va appeler le FBI et on va surtout retrouver une fosse. Mmh. Avec 6 bras en fait. Ouais. Voilà. Donc 5 bras des 5 fillettes. Mmh. Mais un 6e bras. Inconnu. Alors pour ça, on va faire appel à une experte des enlèvements, qui est Mila Vasquez, qui a aussi toute une histoire derrière elle et beaucoup de bagages derrière elle, et qui ne vit que pour son métier et pour sauver les enfants qui sont kidnappés tous les jours en fait. Aux D'accord. États-Unis. D'accord. Et elle va faire partie d'une équipe qui est menée par Goran Gavila, qui est pas du tout, qui fait pas du tout partie du FBI, mais qui est spécialiste des sciences du comportement, mm-hmm. et qui aide souvent une équipe de 3 enquêteurs du FBI, qui c'est une équipe qui est spécialisée dans les affaires plus difficiles, on va dire. Ouais. Voilà. Alors, ils vont se retrouver dans un appartement. Pour eux, mmh. voilà, qui est prévu pour leur service. Et c'est une sorte. Ça fait partie. Il y a une sorte de huis clos, mmh. même s'ils sortent tout en temps de l'appartement. Il y a une sorte de huis clos où tout le monde réfléchit à qui pourrait avoir tué ces 5 enfants, 5 petites filles. Et surtout, qui est la 6e. La 6e victime, bien sûr. La 6e victime. Est-ce qu'elle est encore vivante ? Mmh. Et est-ce qu'ils vont la retrouver ? Bon. Waouh! Ouais. Les personnages là-dedans sont incroyables. La fin, elle est. Incroyable. Ah, tu te fais. Ah merde! Ah ouais, putain. Donc, je vous dis, Mila Vasquez a un gros bagage derrière elle. Goran Gavila qui fait un petit peu penser à, si vous regardez, je sais pas moi, Esprit Criminel, mm-hmm. un peu Eichner, voilà. Ah ouais, bon. C'est dans le même style. Et à côté de ça, il y a les 3 enquêteurs, il y a Boris, mm-hmm. qui est le grand costaud beau gosse du truc. Il y a une femme, Rosa, mm-hmm. à qui va directement en fait, mettre sur le côté Mila. Parce qu'elle ne fait pas partie de l'équipe et parce qu'il y a une sorte de jalousie. On croit que c'est une sorte de jalousie qui s'installe, en fait. Mm-hmm. Parce qu'elle ne fait pas partie d'une équipe qui est habituée à travailler ensemble. Et comme c'est une pièce rattachée un petit peu, ben, voilà, il y a quelques petits problèmes entre elles. Et le dernier, c'est l'inspecteur le plus vieux, voilà, le plus ancien. Mm-hmm. Un vieux baroudeur qui est là depuis pas mal d'années. Mm-hmm. Et dans tout ça, ils ont tous leur spécialité, forcément. On fait une super équipe. Ça fait une super équipe. Et la super équipe va un petit peu se casser les dents sur un super tueur. Sur un super tueur, ouais. Qui va avoir de bonnes idées pour contrer cette enquête. Puisqu'on se rend très vite compte qu'il s'en prend en fait aux personnes et au groupe du FBI en fait, qui est chargé de l'enquête. Le chuchoteur polar italien. Ouais. Bon, justement, polar italien, est-ce que ça se ressent que ça se passe en Italie ? Ça se passe aux États-Unis. Ah, ok. Ça se passe aux États-Unis. C'est un peu plus compliqué, je pense, voilà, c'est États-Unis, rattacher. C'est FBI, ouais. C'est, ouais. C'est tueur en série, c'est vrai. Voilà, ouais. C'est pas... ça se ressent pas du tout que c'est un auteur italien. Mm-hmm. Ça pourrait être un auteur américain. Ouais. Mais du côté le plus noir de noir du... Du noir de noir. Du noir de l'auteur américain, quoi. Bon. C'est pas... Enfin, les sentiments, les beaux sentiments, voilà, on les met de côté et on peut oublier. Le chuchoteur, ça sort, c'est j'ai lu Donato Carisi. Oui. C'était son premier bouquin. Ouais. Donc, Et son... Et bien, ah, bien fort, bonjour. Il en a fait beaucoup depuis. Alors, il y a une série Mila Vasquez. Mm-hmm. Donc voilà, il y a la suite qui est dans ma petite bibliothèque, qui s'appelle L'Écorché, ça promet aussi, à me dire. Il y a une série qui s'appelle Marcus et Sandra, je peux pas vous dire, où là il y a deux bouquins également, et il y a encore deux autres romans, à savoir qu'il écrit aussi des scénarios pour la télé, et des scénarios pour le théâtre également. Bon, voilà. Monsieur Carisi est bien occupé. Voilà, il est très très occupé. Le bouquin était sorti aux éditions Kalman-Lévy, mais bien sûr c'est sorti en livre de poche. Ouais, voilà. Conseil consommateur pour tout le monde ou pas pour tout le monde? Pas pour tout le monde, forcément. Voilà, il faut aimer le roman noir. C'est, voilà, si vous n'aimez pas le roman noir et le roman où... tout y expliquer de A à Z, aller dans les détails, c'est pas la peine. Vous oubliez. Va voilà. Pour le chuchoteur. C'était bien noir aussi, c'était Rayon Comics au début, tout à fait début des années 90. Et puis on en fera un film. L'auteur de la bande dessinée, James Hobart, avait créé un personnage, espèce de anti-héros qui doit ressusciter pour sauver sa promise. Ça a donné The Crow, ça a donné un film en 94 avec le fils Bruce Lee, qui décède pendant le tournage. Ouais. Toute une histoire aussi, hein, qui décède pendant le tournage du film. The Crow, ça sort en 94, le film, et là-dessus, il y a une BO qui est à tomber par terre. Qui est probablement un des meilleurs scores, puisqu'on parlait des scores tout à l'heure, des original soundtracks, une des meilleures original soundtracks de tous les temps. Mmh. Voilà, c'est absolu aussi, avec Pantera, Rollins, plein de gens, et notamment Cure. Cure qui ouvrait cette plage avec le titre Burn, et sur le 45 tours, le split avec Revoke Hitman 100 Years, la phase B, c'est donc Membrane qui reprend Burn the Cure. C'est parti. suite et fin de l'album de la semaine. Elle est bien cette reprise. Elle est très bien cette reprise. On va un petit peu replomber l'ambiance. Boum. Boum. Toujours album de la semaine, on est toujours avec Nick Cave and the Bad Seeds, leur dernier album Skeleton Tree. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date de prévu pour aller voir en concert. Ça va venir. On verra. Ça va être la B ou un truc du genre. En Bruxelles. Ce sera sûrement la B, ouais. Ouais. Il y a des chances. Il y a sa maison, lui, là-bas. Pas loin. Il doit avoir un studio, tout ça. Également pour le film One More Time With Telling, il n'y a pas de date de sortie DVD ou quoi. Donc, si vous voulez le voir, un peu chercher ou patienter. C'est ça. Parce que parfois, patienter, c'est bien. Ben, on patientera, je pense. Mm-hmm. Si ça sort en DVD un jour. Sûrement. Allez, dernier extrait pour cet album Skeleton Tree. On va écouter Anthrocyne. All the fight, the wind is gone. This sweet world is so much older. The animals pull the night around their shoulders. Flowers fall to their naked knees. Here I come now, here I come. I hear you've been out there looking for something to love. The dark force that shifts at the edge of the tree. It's alright, it's alright. Will you turn so long and lovely? It's hard to believe that we're falling now. In the name of the Anthropocene. All the things we love, we love, we love, we lose. It's our bodies that fall when we're trying to rise. You've been out looking for something to love. Sit down beside me and I'll name it for you. Behold, behold, the heaven-bound seas. The wind casts shadows. The animals and the birds and the sky and the tide. I hear you've been out there looking for something to set on fire. The head-bowed children fall to their knees. We're humbled in the age of the Anthropocene. Here they come now, here they come, are pulling you away. There are powers at play more forceful than we. Come over here and sit down and say you should pray. A prayer to the air that we breathe. The astonishing rise of the Anthropocene. Come on now, come on now. catch your breath while you say, it's a long way back and I'm begging you please to come home now, come home now. Well, I heard you've been out looking for something to love. Close your eyes, little world, and brace yourself. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Und sagt die Zauberwörter Simsalabimbamba, Saladu, Saladimbe. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Und keine Eier! Archive du jour et bon anniversaire pour l'archive puisque l'album a fêté ses 20 ans le 17 septembre, donc c'était hier, ça sortait aux États-Unis le 17 septembre 1996 et un peu plus tard, 15 jours plus tard, ah ouais ouais, c'est juste... Le 6... Ah bah, ça pourquoi c'est malin. Pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Le 6 octobre, c'était pour l'Europe, évidemment, pour la sortie de ce disque, qui n'est évidemment pas un disque comme les autres, qui est un disque assez mythique, évidemment. Je parle de Enima, de Tool, et on parle de Tool, qui propose avec Enima en deuxième album bah, quelque chose de assez perturbant. Voilà, à sa sortie, le disque, on parle d'album concept ou voire de album et avec des morceaux à tiroir. Ouais. Et c'est vraiment ça. Il y a plein de faux semblants là-dedans et plein de vraies choses assez établies aussi. C'est ça qui est perturbant chez Tool et chez Enima. L'album sort sous des bons auspices puisqu'il y a un gros travail de production. Et d'ailleurs... Si vous avez livré de la pochette du CD, peut-être encore comme ça, et ben on retrouve une kyrielle de gens qui ont bossé là-dessus. les ingénieurs Pro Tools, les ingénieurs du visuel, parce que le visuel va prendre une ampleur incroyable, comme on connaît chez Tool maintenant. Mais à partir de cet album Enima, et en gros, Tool devient Tool avec cet album. L'album précédent d'Orto, qui sort en 92 de mémoire, c'est un aimable groupe un peu prog metal, voilà. Mm-hmm. Mais bien fait, hein. Ouais. Mais parmi d'autres. Parmi d'autres, exactement. Porcupine Tree, tout ça, voilà, on est dans cet univers-là. Avec Enima, c'est autre chose, ma petite dame. Ça prend une dimension, toute proportion gardée, ça devient énorme d'un coup. C'est un album extrêmement étudié, extrêmement travaillé, un album avec énormément de codes d'entrée. Il faut prendre un vrai temps pour rentrer dans la musique. Il y a deux parties grosso modo sur ce disque. Il y a une partie peut-être plus directe, même si les morceaux sont longs, 3-4 titres, notamment ceux qui étaient composés par Paul Damour, le bassiste originel du groupe, parmi lesquels Stinkfist, Push It ou encore 46 and 2, Ology, voilà, c'est des choses un peu plus directes. Et puis il y a des choses bien plus dures, notamment ce Die Hard von Satan qu'on vient d'entendre, où on retrouve du Tool, du A Perfect Circle, qui dit pas son nom, mais ils sont là derrière. Et le chanteur, c'est Marco Fox, illustre inconnu. Il a fait partie d'un projet éphémère qui s'appelait Zome, un album, en 95-96. Et dans Zome, le backing band derrière, c'est notamment nos amis de Tool. Voilà, tout est dans tout. Et Marco Fox dans Zome chante et tient la basse, et ici pour Die Eier von Satan. Il chante en allemand et ça parle effectivement des couilles de Satan. Voilà. Plein de genres sont abordés, l'indus, le métal, le rock presque californien. Si, il y a tout ça dans ce disque, avec chaque fois des temps d'arrêt, ils appellent ça des segs, notamment Cesaro Summability qui parle d'un théorème mathématique, voilà, on est un petit peu moins bête, ou encore l'excellent Message to Harry Manback qui fait référence au chanteur de Green Jelly, Little Pig, I'll Blow Up. Faut savoir que James Keenan et Danny Carré, chanteur et batteur de Tool, étaient backing band pour Green Jelly à l'époque de Little Pig, I Blow Up. Voilà, ça c'est un peu pour l'histoire. S'il fallait vraiment résumer très très fort, on dirait que c'est Peter Gabriel qui s'est entouré de Jane's Addiction dans le même studio avec Al Jourgensen, évidemment, de Ministry, puisqu'il y en a des touches intuses dedans. Et ensemble, à 14 mains, ils vont réaliser cet album qui est assez incroyable. Les faux semblants, c'est jusque dans les pochettes, puisqu'on retrouve pas moins de 16 pochettes de faux albums, évidemment, avec des titres complètement cons, hein, genre I Smell Urine ou encore. Moi, celui-là, j'aime bien le Christmas album by Tool, celui-là est assez drôle. Ou encore The Other White Meat, avec en pochette, bien sûr, deux dauphins blancs. C'est quelque chose d'assez conséquent. Oui. En fait, je pouvais pas te parler pendant que tu parlais. Si, mais c'est parce que tu faisais autre chose avec la bouche ouverte que parler. Les gens qui vont se poser des questions après. Je baillais, hein. Je m'excuse pour ceux qui sont derrière leur. Fais poste. Ce que tu veux. Et donc. Ouais. Non. Bon. J'avais voulu parler entre eux. Je me suis rendu compte que tu avais fermé mon micro, donc. Voilà. Ouais. Alors, l'album rend hommage aussi à Bill Hicks, qui est pas très connu chez nous, qui est plutôt un artiste un peu contestataire américain, qui dénonce le capitalisme, etc. Mais qui a sorti deux disques qui auront inspiré, entre autres, Radiohead ou encore Fugazi, ouais, par exemple. Et donc, et assez fort Tool, forcément, puisque l'album, lui, est entièrement dédié, avec même une petite photo derrière. Je vois ça. Sur la pochette, donc. Voilà, très très dur de résumer ce disque, qui est pas comme les autres. Non, mais c'est pas un groupe comme les autres. Déjà. Et Tool, c'est pas un groupe comme les autres, exactement. Si vous voulez les voir en live, non. Vous allez être déçus. Vous allez être complètement déçus. Je les ai vus une fois. en 2006. Ouais. Ouais, 2006, je pense, ouais. 2006, et ben, ils jouent au fond de la scène. Faut pas être devant la scène, sinon tu les vois pas du tout. Et il y a deux grands écrans qui passent en fait leur imagerie. Ben, c'est ça. Et ils jouent sur les images. Donc voilà, si vous payez 50 euros pour aller voir tout le nom, quoi. Je vous garantis que non. Allez, il y a quand même des titres un peu hors normes, mais il y a quand même plus ou moins un single dans cet album. C'est le titre qui ouvre l'album, justement, qui s'appelle Stinkfist, qui est super recherché comme titre, mais il y a un gimmick et une dynamique dans ce morceau imparable. Et c'est ça qui donne sa tronche de single. Donc c'est parti pour Stinkfist. Tool, c'était l'archive du jour. We'll be right back. mieux dans la vie. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais. Très bien. Attends. Nouveau. Voilà. J'ai plus besoin de le faire. Bah non, il est là. L'album sortira le L'album sortira le 14 octobre. Ouais. Le groupe s'appelle Red Fang. Ah. Ah bah oui. Ah. L'album s'appelle Only Ghosts et on écoutait un premier extrait, ça s'appelle Shadow. Mmh. Bien. Bien, bien. Ouais. Mmh. Les cendres et le vent, tout le programme que nous propose 202 Project pour son nouvel album, c'est le nom de l'album d'ailleurs, Le Cendre et le Vent. Et extrait de cet album, on va écouter Les Haut-Parleurs. We'll be right back. Les Cendres et le Vent de 102 Project, et on écoutait les haut-parleurs. Intéressant. Oui. Comme toujours. Ah, attends. Nouveau. Ah, voilà. Ça marche, hein. Mais ça marche. Allez, on va partir au Texas. En Texas. Oui. Et au Texas, prolifique pour ces groupes un peu psychés sur les bords. Et dans les coins. Dans les coins, voilà. Ils nous viennent de Dallas. Le groupe s'appelle True Widow. Mm-hmm. Ils sortent un nouvel album. Ah, mais oui. Ah, bah oui. Ah, mais oui. oui, si. Qui s'appelle Alvogir. Pas trouvé plus simple. Mais t'as fait le plaisir. Yeah. Moi, je pense que c'est un peu plus dans le nord. Ouais, c'est plus dans le nord. Je sais pas ce que ça veut dire. Et on va écouter un premier extrait de cet album qui sortira le 23 septembre. Mm-hmm. Donc dans une semaine, 5 jours, ouais, vendredi ça. Prochain. Quoi. Mm-hmm. Donc à vos petits papiers, le morceau s'appelle Turgist. Nouveau. We'll be right back. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Punk. Lobster Kill Me, les Parisiens qui sont revenus en 2015 avec un album qui s'appelle Fake World, album très intéressant, et puis dans ce registre, punk à roulette évidemment, mais en tout cas bien intéressant au niveau des textes, etc. Et puis, il y a des reprises, bon, Shields, ça c'est un peu normal, Destroy Babylon, et ce slip, reprise de Marianne Faithfull sur son album A Secret Life qui sortait en 1995. Et Sleep, c'est un morceau qui est coécrit par Marianne Faithfull et Angelo Badalamenti, monsieur qui fait les scores de Twin Peaks. Mm-hmm. Donc la version originale est assez éloignée de la reprise. J'imagine bien. Ouais. Évidemment. Et 20 ans plus tard, c'est clin d'œil sympa d'aller chercher ce titre un peu vaporeux et d'y mettre une planche à roulettes. Voilà, Lobster Kill Me Fake World, c'est le nom de l'album. Sleep, c'était le titre, et ça sort chez Champmax Records. Allez, morceau de décroche. C'est parti. On est parti en 2004, donc pas si éloigné que ça. Mm-hmm. Pour une fois, groupe canadien. Mm-hmm. Avec pour ma part le seul morceau valable. C'est celui-là, Arcade Fire. Rebellion. Extrait de leur album Funeral, c'est bien Rebellion Lies. Et c'est le seul morceau que vous devez écouter d'Arcade Fire. Voilà. C'est pas faux. C'est vrai. C'est la vérité. Thank you.